Joséphine Weininger à Hélène Bayard à Paris. Ma chère Hélène, non, ce que j'ai ri de ta lettre, mais si tu crains tant que cela pour moi, je ne vais plus oser t'écrire une ligne. Je me risque tout de même. Je suis amoureux, c'est vrai, et même furieusement, c'est un si charmant garçon. As-tu jamais eu une liaison avec un poète? Je parle d'un vrai poète, et non pas d'un de ces personnages qu'on présente dans les comédies et les opérettes. Un véritable poète qui n'est rien, n'a rien, et ne sera vraisemblablement jamais rien, qui fait des vers, enfin, et vous emporte dans les nuages. Ah, je te le dis, ces hommes-là forment une race à part. L'amour qu'il a pour moi, ce n'est pas de cela que je veux parler, non. Mais si tu savais le respect qu'il me témoigne, lorsque nous nous promenons ensemble, le soir, deux fiancés ne pourraient être plus purs. Dernièrement, nous avons passé une nuit à la campagne, et cela nous a tellement plu que nous avons décidé d'aller nous retirer, pour une semaine ou deux, en pleine solitude. Il est probable que nous donnons suite à ce projet. Je n'ai qu'une seule peur, c'est qu'il nous soit obligé d'emprunter l'argent nécessaire, car le pauvre garçon a si peu le sou que cela en devient comique. Je vois bien comme il est content lorsque je lui évite une grosse dépense. Quand, par exemple, tu vas rire, je l'empêche de prendre une voiture. Naturellement, je ne peux rien lui offrir. Ce serait une gaffe, tu comprends, moi, la pauvre brodeuse d'art. Ah, tu serais bien étonné si tu connaissais l'histoire de ma vie telle que je la lui ai racontée. J'ai pourtant été amoureuse autrefois, et j'ai beaucoup menti, mais jamais je n'ai tant menti, et jamais je n'étais aussi amoureuse. Certes, je ne peux pas lui raconter des histoires aussi touchantes que tout ce qu'il me raconte, cela ne s'invente pas. Je suis trop paresseuse pour t'en écrire plus long, mais la prochaine fois que nous nous verrons, je te conterai l'histoire qui lui est arrivée à Berlin. Je suis si contente de pouvoir lui donner un peu de bonheur, après tout ce que le monde et surtout les femmes lui ont fait souffrir. Il m'est reconnaissant et il me dit qu'il voit bien que moi, je suis différente des autres. Pour combien de femmes, la vie aurait pu être tout autre? Non, ma petite Hélène n'ait pas peur. Celui-ci est beaucoup trop consciencieux pour vouloir enchaîner ma vie à son avenir incertain, car il en parle souvent de son avenir incertain et cela le rend triste. Tu sais bien que je n'ai jamais aimé éternellement. Donc tes craintes, ma chère Hélène, n'ont pas le sens commun. Ce serait beau, pourtant. Mais peut-on passer sa vie à revenir de la campagne en omnibus? Au revoir donc, et fais mes amitiés à ton petit Félix. Mais ne lui parle pas de tout cela. Il faut penser à plus tard. Ta Joséphine.